stand-by. J'ai plus de plug, j'ai la tête ailleurs. Comme dit ça, ça porte à la MacGyver. Même si on est trop, il reprend le slider. Sur l'autoroute, zigzag à la Ghost Rider. Tellement zoné, je connais tous les chemins. Je m'entraîne à cabrer en levant les deux mains. J'arrive le soir au juge, faut que je colle demain. On peut mettre voilà où la gratte te mène. Je cours. Cachette en bas des tours. Rappelez si mes potes, j'suis pas là pour. J'suis perché de peine des dégâts. Et même des fois, j'parle seul. Chez moi, ça parle de gagner. Les mines, je m'harcèle. J'suis perché de peine des dégâts. Et même des fois, j'parle seul. Chez moi, ça parle de gagner. Les mines, je m'harcèle. Laisse-moi, j'ai plein d'air. Laisse-moi, j'ai plein d'air. Laisse-moi, j'ai plein d'air. Laisse-moi, j'ai plein d'air. Mon peu de nain et de mal à tube, le beu et alcool, le et dans ma tête ça tourne là, je calcule pas, je fais le tour. Je sais ce que ça dit sur moi qui est vraiment là pour moi. J'en ai moi presque costaud, j'arrive à c'est. Mais si j'ai sûrement encore obligé de me faire un crédit, les équipes pétillent à l'arbre aux yeux. Et j'oublie pas les bonhommes aux yeux. J'ai grandi, appelle-moi monsieur. Je suis aigri et souvent soucieux. Pour toi, this is how we do. J'suis au sud, Kaku et Amigdo. J'ai vu nos têtes, on fait pas du dos. Si jamais quand tu râles le rideau, je m'attaque quand j'suis vitant. J'pose avec, je suis dans les temps. J'me sens à l'aise comme mon guidon. Sur le tour, j'm'entraîne jusqu'à Berlitan. J'suis fier, j'ai besoin des dégâts. Même des fois, j'parle seul. Chez moi, ça parle de gagner. Les mines, je m'harcèle. J'suis fier, j'ai besoin des dégâts.